En Corée, à la saison du printemps, on plante beaucoup d'arbres. Pour la remise en état des forêts, les permanents et les membres de la Fédération Générale des Syndicats ont planté plus de 230 millions d'arbres de bonnes espèces. La province du Hamgyong du Sud a planté 72 millions d'arbres pendant plus de 40 jours et la province du Gangwon plus de 52,39 millions d'arbres jusqu'au 18 avril. Le secteur de l'arboriculture fruitière a planté plus de 2,2 millions d'arbres, y compris les pommiers de petite taille, sur des milliers d'hectares au niveau national.